Les trois hommes continuèrent à causer entre eux, s'isolant, parlant d'abord médecine, puis glissant à une discussion sur l'architecture romane, au sujet d'un clocher aperçu sur un coteau et que tous les pèlerins avaient salué d'un signe de croix. Au milieu de ce pauvre monde souffrant, de ces simples d'esprit et bêtés de misère, le jeune prêtre et ses deux compagnons s'oubliaient, repris par les habitudes de leur intelligence cultivée. Une heure s'écoula. Deux autres cantiques venaient d'être chantés. On avait franchi les stations de Toury et des Aubrais, lorsque, à Beaugency, ils cessèrent enfin leur conversation, en entendant sœur Hyacinthe, qui, après avoir tapé dans ses mains, commençait elle-même de sa voix fraîche et sonore « Pace Domine, pace populo tuo !» Et le chant reprit, toutes les voix s'unirent, ce flot sans cesse renaissant de prières qui engourdissait la douleur, exaltait l'espoir, envahissait peu à peu tout l'être harassé de la hantise des grâces et des guérisons qu'on allait chercher si loin. Mais comme Pierre se rasseyait, il vit Marie très pâle, les yeux fermés, et pourtant, à la contraction douloureuse de son visage, il comprenait bien qu'elle ne dormait pas. « Est-ce que vous souffrez davantage ?»« Oh oui, affreusement. Jamais je n'irai au bout. Ce sont ces chaos continuels. » Elle gémit, rouvrit les paupières, et elle restait sur son séant, défaillante, à regarder les autres malades. Justement, dans le compartiment voisin, en face de Monsieur Sabatier, la grivotte, jusque-là étendue sans un souffle, comme morte, venait de se soulever. C'était une grande fille qui avait dépassé la trentaine, déhanchée, singulière, au visage rond et ravagé, que ses cheveux crépus et ses yeux de flamme rendaient presque belle. Elle était phtisique au troisième degré. « Hein, mademoiselle ? » dit-elle en s'adressant à Marie de sa voix enrouée, à peine distincte. « On serait bien heureuse de s'assoupir un petit peu. Mais pas moyen ! Toutes ces roues vous tournent dans la tête !» Malgré la fatigue qu'elle éprouvait à parler, elle s'entêta, donna des détails sur elle-même. Elle était matelassière. Elle avait longtemps, avec une de ses tantes, fait des matelas de cour en cour à Bercy. Et c'était aux laines empestées, gardées par elle, dans sa jeunesse, qu'elle attribuait son mal. Depuis 5 ans, elle faisait le tour des hôpitaux de Paris. Aussi parlait-elle familièrement des grands médecins. Les sœurs de Lariboisière, en la voyant passionnée des cérémonies religieuses, avaient achevé de la convertir et de la convaincre que la Vierge l'attendait à Lourdes pour la guérir. « Bien sûr que j'en ai besoin. Ils disent comme ça que j'ai un poumon perdu et que l'autre ne vaut guère mieux. Des cavernes, vous savez. D'abord, je n'avais mal qu'entre les épaules et je crachais de la mousse. Puis j'ai maigri, une vraie pitié. Maintenant, je suis toujours en sueur. Je tousse à m'arracher le cœur. Je ne puis plus cracher, tant c'est épais. Et vous voyez, je ne me tiens pas debout. Je ne mange pas. » Un étouffement l'arrêta. Elle devenait livide. « N'importe, j'aime mieux encore être dans ma peau que dans celle du frère qui occupe l'autre compartiment derrière vous. Il a ce que j'ai, mais il est plus avancé que moi. » Elle se trompait. Il y avait là, en effet, adossé à Marie, un jeune missionnaire, le frère Isidore, couché sur un matelas et qu'on ne voyait point parce qu'il ne pouvait même soulever un doigt. Mais il n'était pas phtisique. Il se mourait d'une inflammation du foie prise au Sénégal. Très long, très maigre, il avait une face jaune, sèche et morte comme un parchemin. L'abcès qui s'était formé au foie avait fini par percer à l'extérieur et la suppuration l'épuisait dans un grelottement continu de fièvre, des vomissements et du délire. Seuls ses yeux vivaient encore, des yeux d'amour inextinguibles, dont la flamme éclairait son visage expirant de Christ en croix. Un visage commun de paysan que la foi et la passion rendaient par moments sublimes. Il était breton, dernier enfant chétif d'une famille trop nombreuse, ayant laissé là-bas le peu de terre à ses aînés. Et une de ses sœurs l'accompagnait, Marthe, sa cadette de 2 ans, venue en service à Paris, si dévouée dans son insignifiance de bonne à tout faire, qu'elle avait quitté sa place pour le suivre et qu'elle mangeait ses maigres économies. « J'étais par terre sur le quai quand on l'a fourré dans le wagon, » reprit la grivotte. « 4 hommes le tenaient !» Mais elle ne put en dire davantage, un accès de toux la secoua, la renversa sur la banquette. Elle suffoquait, les pommettes roses de ses joues devenaient bleues. Et tout de suite, sœur Hyacinthe lui souleva la tête, lui essuya les lèvres avec un linge qui se tachait de rouge. Madame de Jonquière, au même instant, donnait des soins à la malade qu'elle avait en face d'elle. On la nommait Madame Vêtue. Elle était la femme d'un petit horloger du quartier Mouffetard qui n'avait pu fermer la boutique pour l'accompagner à Lourdes. Aussi s'était-elle fait hospitaliser afin d'être certaine d'avoir des soins. La peur de la mort la ramenait à l'église où elle n'avait pas remis les pieds depuis sa première communion. Elle se savait condamnée, rongée par un cancer à l'estomac, et déjà elle avait le masque hagard et orangé des cancéreux. Elle en était aux déjections noires, comme si elle eût rendu de la suie. De tout le voyage, elle n'avait pas encore dit un mot, les lèvres murées, souffrant abominablement. Puis, un vomissement l'avait prise et elle avait perdu connaissance. Dès qu'elle ouvrait la bouche, une odeur épouvantable, une pestilence à faire tourner les cœurs s'exhalait. « Ce n'est plus possible !» murmura Madame de Jonquière qui se sentait défaillir. « Il faut donner un peu d'air !» Sœur Hyacinthe achevait de recoucher la grivotte sur ses oreillers. « Certainement, ouvrons pour quelques minutes, mais pas de ce côté-ci. J'aurais peur d'un nouvel accès de toux. Ouvrez de votre côté !» La chaleur augmentait toujours. On étouffait au milieu de l'air lourd et nauséabond. Et ce fut un soulagement que le peu d'air pur qui entra. Pendant un moment, il y eut d'autres soins, tout un nettoyage. La sœur remuait les vases, les bassins, dont elle jeta par la portière le contenu, tandis que la dame hospitalière, avec une éponge, essuyait le plancher que la trépidation secouait durement. Il fallut tout ranger. Ce fut ensuite un nouveau souci, la 4e malade, celle qui n'avait pas bougé encore, une fille mince dont le visage était enveloppé dans un fichu noir, disait qu'elle avait faim. Déjà, Madame de Jonquière s'offrait avec son tranquille dévouement. « Ne vous en inquiétez pas, ma sœur, je vais lui couper son pain en petits morceaux. » Marie, dans son besoin de distraction, s'était intéressée à cette figure immobile, ainsi cachée sous ce voile noir. Elle soupçonnait bien quelques plaies à la face. On lui avait dit simplement que c'était une bonne. La malheureuse, une picarde du nom d'Élise Rouquet, avait dû quitter sa place et vivait, à Paris, chez une sœur qui la rudoyait. Aucun hôpital n'ayant voulu la prendre, car elle n'était pas autrement malade. D'une grande dévotion, elle avait depuis des mois l'ardent désir d'aller à Lourdes. Et Marie attendait, avec une sourde peur, que le fichu s'écartât. « Sont-ils assez petits comme cela ? » demandait Madame de Jonquière maternellement. « Pourrez-vous les fourrer dans votre bouche ?» Sous le fichu noir, une voix rauque grognait. « Oui, oui, madame. » Enfin, le fichu tomba, et Marie eut un frisson d'horreur. C'était un lupus qui avait envahi le nez et la bouche, peu à peu grandit là, une ulcération lente, s'étalant sans cesse sous les croûtes, dévorant les muqueuses. La tête allongée en museau de chien, avec ses cheveux rudes et ses gros yeux ronds, était devenue affreuse. Maintenant, les cartilages du nez se trouvaient presque mangés. La bouche s'était rétractée, tirée à gauche par l'enflure de la lèvre supérieure, pareille à une fente oblique, immonde et sans forme. Une sueur de sang mêlée à du pus coulait de l'énorme plaie livide. « Oh, voyez donc, Pierre !» murmura Marie tremblante. Le prêtre frémit à son tour en regardant Élise Rouquet glisser avec précaution les petits morceaux de pain dans le trou saignant qui lui servait de bouche. Tout le wagon avait blêmi devant l'abominable apparition. Et la même pensée montait de toutes ces âmes gonflées d'espoir. Ah, Vierge sainte, Vierge puissante, quel miracle si un pareil mal guérissait! Mes enfants, ne songeons pas à nous si nous voulons bien nous porter, répéta sœur Hyacinthe. Et elle fit dire le second chapelet, les saints mystères douloureux. Jésus au jardin des oliviers, Jésus flagellé, Jésus couronné d'épines, Jésus portant sa croix, Jésus mourant sur la croix. Puis le cantique suivit. Je mets ma confiance, Vierge, en votre secours. On venait de traverser Blois. On roulait déjà depuis 3 grandes heures. Et Marie, détournant les yeux d'Élise Rouquet, les arrêtait maintenant sur un homme qui occupait un coin de l'autre compartiment, à sa droite, celui où gisait le frère Isidore. À plusieurs reprises, elle l'avait remarqué, très pauvrement vêtu d'une vieille redingote noire, jeune encore, avec une barbe rare, grisonnante déjà. Et il semblait souffrir beaucoup. Petit et amaigri, le visage décharné, couvert de sueur. Pourtant, il restait immobile, rentré dans son coin, ne parlant à personne, regardant fixement devant lui, de ses yeux grands ouverts. Et brusquement, elle s'aperçut que les paupières retombaient et qu'il s'évanouissait. Alors, elle attira l'attention de sœur Hyacinthe. « Ma sœur, on dirait que ce monsieur se trouve mal. »« Où donc, ma chère enfant ?»« Là-bas, celui qui a la tête renversée. » Ce fut une émotion. Tous les pèlerins valides se mirent debout pour voir. Et madame de Jonquière eut l'idée de crier à Marthe, la sœur du frère Isidore, de taper dans les mains de l'homme. « Questionnez-le, demandez-lui où il souffre. » Marthe le secoua, lui posa des questions. Mais l'homme ne répondait pas, râlait, les yeux toujours clos. Une voix effrayée s'éleva, disant « Je crois bien qu'il va passer !» La peur grandit, des paroles se croisèrent, des conseils étaient donnés d'un bout à l'autre du wagon. Personne ne connaissait l'homme. Il n'était sûrement pas hospitalisé, car il ne portait pas au cou la carte blanche couleur du train. Quelqu'un raconta qu'il l'avait vu arriver 3 minutes seulement avant le départ, se traînant, et qu'il s'était jeté dans ce coin où il se mourait, d'un air d'immense fatigue. Puis, il n'avait plus soufflé. On aperçut d'ailleurs son billet passé dans le ruban de son vieux chapeau haute forme accroché près de lui. Sœur Hyacinthe eut une exclamation. « Ah ! Le voilà qui respire ! Demandez-lui son nom !» Mais, questionné de nouveau par Marthe, l'homme exhala seulement une plainte, ce cri à peine balbutié. « Oh ! Je souffre !» Et, dès lors, il n'eut que cette réponse. À tout ce qu'on voulait savoir, qui il était, d'où il venait, quelle était sa maladie, quels soins on pouvait lui donner, il ne répondait pas. Il jetait ce continuel gémissement. « Oh, je souffre! Oh, je souffre !» Sœur Hyacinthe s'agitait d'impatience. Si elle s'était au moins trouvée dans le même compartiment, et elle se promettait de changer de place. Seulement, il n'y avait pas d'arrêt avant Poitiers. Cela devenait terrible, d'autant plus que la tête de l'homme se renversa de nouveau. « il passe !» répéta la voix. « Mon Dieu, qu'allait-on faire ?» La sœur savait qu'un père de l'Assomption, le père Massias, était dans le train avec les saintes huiles, tout prêt à administrer les mourants, car on perdait chaque année du monde en route. Mais elle n'osait faire jouer le signal d'alarme. Il y avait aussi le fourgon de la cantine, desservi par la sœur Saint-François, et dans lequel était un médecin, avec une petite pharmacie. Si le malade allait jusqu'à Poitiers, où l'on devait s'arrêter une demi-heure, tous les soins possibles lui seraient donnés. L'atroce était qu'il mourût avant Poitiers. On se calma pourtant. L'homme respirait d'une façon plus régulière, et il semblait dormir. « Mourir avant d'y être !» murmura Marie frissonnante. « Mourir devant la terre promise !» Et, comme son père la rassurait, « je souffre tant, moi aussi !»« Ayez confiance, » dit Pierre, « la Sainte Vierge veille sur vous !» Elle ne pouvait plus rester sur son séant, il fallut qu'on la recouchât dans son étroit cercueil. Son père et le prêtre durent y mettre des précautions infimes, car le moindre heurt lui arrachait un gémissement. Et elle demeura sans un souffle, ainsi qu'une morte, avec son visage d'agonie, au milieu de sa royale chevelure blonde. Depuis bientôt 4 heures, on roulait toujours. Si le wagon était secoué à ce point, dans un mouvement de lacet insupportable, c'était qu'il se trouvait en queue. Les liens d'attache criaient, les roues grondaient furieusement. Par les fenêtres, qu'on était forcé de laisser entr'ouvertes, la poussière entrait, âcre et brûlante. Et surtout, la chaleur devenait terrible, une chaleur dévorante d'orage, sous un ciel fauve, peu à peu, envahi de gros nuages immobiles. Les compartiments surchauffés se changeaient en fournaises. Ces cases roulantes où l'on mangeait, où l'on buvait, où les malades satisfaisaient tous leurs besoins, dans l'air vicié parmi l'étourdissement des plaintes, des prières et des cantiques. Et Marie n'était pas la seule dont l'état eût empiré. Les autres également souffraient du voyage. Sur les genoux de sa mère désespérée, qui la regardait de ses grands yeux obscurcis de larmes, la petite Rose ne remuait plus, d'une telle pâleur que 2 fois Madame Maz s'était penchée pour lui toucher les mains avec la crainte de les trouver froides. À chaque instant, Madame Sabatier devait changer de place les jambes de son mari, car leur poids était si lourd, disait-il, qu'il en avait les hanches arrachées. Le frère Isidore venait de pousser des cris dans son habituelle torpeur. Et sa sœur n'avait pu le soulager qu'en le soulevant et en le gardant entre ses bras. La grivotte paraissait dormir, mais un hoquet obstiné l'agitait. Un mince filet de sang coulait de sa bouche. Madame Vêtu avait rendu encore un flot noir et pestilentiel. Élise Rouquet ne songeait plus à cacher l'affreuse plaie béante de sa face. Et l'homme, là-bas, continuait à râler, d'un souffle dur, comme si à chaque seconde il eût expiré. Vainement, Madame de Jonquière et sœur Hyacinthe se prodiguaient. Elles n'arrivaient pas à soulager tant de maux. C'était un enfer que ce wagon de misère et de douleur, emporté à toute vitesse, secoué par le roulis qui balançait les bagages, les vieilles hardes accrochées, les paniers usés, raccommodés avec des ficelles. Tandis que dans le compartiment, du fond, les 10 pèlerines, les vieilles et les jeunes, toutes d'une laideur pitoyable, chantaient sans arrêt, d'un ton aigu, lamentable et faux. Alors, Pierre songea aux autres wagons du train, de ce train blanc qui transportait particulièrement les grands malades. tous roulaient dans la même souffrance, avec leurs 300 malades et leurs 500 pèlerins. Puis, il songea aux autres trains qui partaient de Paris ce matin-là, au train gris et au train bleu qui avaient précédé le train blanc, au train vert, au train jaune, au train rose, au train orangé qui le suivaient. D'un bout à l'autre de la ligne, c'étaient des trains lancés toutes les heures. Et il songea aux autres trains encore, à ceux qui partaient le même jour d'Orléans, du Mans, de Poitiers, de Bordeaux, de Marseille, de Carcassonne. La terre de France, à la même heure, se trouvait sillonnée en tous sens par des trains semblables, se dirigeant tous là-bas, vers la grotte sainte, amenant 30 000 malades et pèlerins au pied de la Vierge. Et il songea que le flot de foule de ce jour-là se ruait aussi les autres jours de l'année, que pas une semaine ne se passait sans que Lourdes vît arriver un pèlerinage, que ce n'était pas la France seule qui se mettait en marche, mais l'Europe entière, le monde entier, que certaines années de grande religion, il y avait eu 300 000 et jusqu'à 500 000 pèlerins et malades. Pierre croyait les entendre, ces trains en branle, ces trains venus de partout, convergeant tous vers le même creux de roche où flamboyaient des cierges. Tous grondaient, parmi des cris de douleur et l'envolement des cantiques. C'étaient les hôpitaux roulants des maladies désespérées, la ruée de la souffrance humaine vers l'espoir de la guérison, un furieux besoin de soulagement au travers des crises accrues, sous la menace de la mort hâtée, affreuse, dans une bousculade de cohue. Il roulait encore, il roulait sans fin, charriant la misère de ce monde, en route pour la divine illusion, santé des infirmes et consolatrice des affligés. Et une immense pitié déborda du cœur de Pierre. La religion humaine, de tant de maux, de tant de larmes, dévorant l'homme faible et nu. Il était triste à mourir, et une ardente charité brûlait en lui, comme le feu inextinguible de sa fraternité pour toutes les choses et pour tous les êtres. À 10h30, lorsqu'on quitta la gare de Saint-Pierre-des-Corps, sœur Hyacinthe donna le signal, et l'on récita le troisième chapelet, les 5 mystères glorieux, la résurrection de notre Seigneur, l'ascension de notre Seigneur, la mission du Saint-Esprit, l'assomption de la Très-Sainte Vierge, le couronnement de la Très-Sainte Vierge. Puis, on chanta le cantique de Bernadette, l'infinie complainte de 6 dizaines de couplets, où la salutation angélique revient sans cesse en refrain, bercement prolongé, lente obsession qui finit par envahir tout l'être et par l'endormir du sommeil extatique dans l'attente délicieuse du miracle.